Alors bonsoir et bienvenue au Centre de l'Universalité, le seul centre conçu pour l'homme et la femme nouvelle, le centre numéro un pour la nouvelle conscience dans le monde. Alors ce soir, il va être question à nouveau de psychologie en compagnie de Daniel Kemp. Donc cette psychologie qui a pour but de faire éclater les dimensions humaines qui emprisonnent l'esprit. Donc, la psychologie a pour but de libérer les dimensions de l'esprit, ce potentiel, de le libérer de ses culpabilités, de ses craintes, de ses peurs, de tous ces blocages d'énergie, de ces mémoires qui font tellement souffrir tant d'êtres humains. C'est pourquoi cette science de l'authenticité doit être mise à la portée du plus grand nombre. Et c'est d'ailleurs ce que fait très bien notre ami Daniel Kemp. Si l'analyse psychologique effraie encore certaines personnes, c'est parce qu'elles ont peur, non pas de ce qui vient, mais de ce qui s'en va. Il est vrai que la psychologie doit évacuer le faux moi, la fausse conscience, évacuer ce qui est cristallisé, tous les blocages d'énergie, car on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Et c'est justement ce à quoi visent les conférences de Daniel Kemp, c'est-à-dire qu'elles visent à désembourber les sources de la vie, les sources de la créativité, pour que toujours l'humanité puisse aller de plus en plus de l'avant. On accueille maintenant Monsieur Daniel Kemp. Le micro est par terre. Ah, oh, ça n'a pas d'importance, ça fonctionne bien. Oui, tu as un micro New Look? Oui, et sans oui. Sans fil. C'est préférable. Oh, c'est intéressant. Ça ne permet pas de danser alors, sur le stage. Ah, OK. On ne sait pas de côté. C'est, ils l'ont rempli aujourd'hui. Alors, ce soir, Daniel, tu as choisi encore d'approfondir ce thème-là de la psychologie de la femme nouvelle. Alors, on vient de voir ce que veut la psychologie, mais on aimerait savoir ce que veulent les femmes. Est-ce que les femmes doivent être ce que l'homme désire qu'elles soient, ou bien est-ce que les femmes doivent être ce que l'homme désire qu'elles soient? Alors, les femmes ne doivent sans doute pas être ce qu'elles-mêmes désirent être, et elles ne doivent sans doute pas non plus être ce que l'homme désire qu'elles soient. Et c'est le même phénomène pour l'homme de toute façon. Parce que tu parlais tout à l'heure, tu as très bien défini, à mon sens, le qu'est-ce qui fait peur à l'homme lorsqu'on aborde le mécanisme de la psychologie ou les mécanismes de l'évolution. Ce n'est pas ce qui s'en vient qui fait peur à l'homme, c'est réellement ce qui s'en va. Et ce qui s'en va, c'est quelque chose qui est connu, qui fait apparemment partie de la femme ou de l'homme qui évolue. Et automatiquement, elle a l'impression, cette personne, qu'elle perd quelque chose d'elle, quelque chose sur lequel elle s'est référée depuis sa naissance égoïque, depuis, disons, sa naissance de conscience. Maintenant, les mécanismes, la base sur laquelle elle se référait pour connaître le monde, pour se connaître, pour connaître son monde spirituel, pour connaître sa philosophie, pour connaître son évolution, sont des bases qui ne sont pas nécessairement accréditées par la réalité. Et ces bases-là, c'est tout à fait normal qu'elles changent au fur et à mesure de l'évolution de la personne. Sauf que l'humain évolue lentement parce que l'humain ne laisse pas s'en aller ses bases fausses pour les remplacer par des nouvelles instantanément. Il préfère lentement laisser ses bases psychologiques s'altérer lentement à son insu pour ne pas avoir à subir le stress du départ de ces concepts religieux, de ces concepts psychologiques, de ces concepts éducatifs, etc. Alors, ce qui fait que l'homme attend que le temps le fasse évoluer. Parce que le temps efface dans la mémoire, le temps arrange les choses. Donc, l'homme est assujetti à une évolution temporelle au lieu d'être, disons, réglé par une évolution instantanée. Donc, à la fois, il efface les souvenirs anciens, les vieilles mémoires, mais il nous fait souffrir aussi. On discutait tout à l'heure avec un monsieur charmant à table, là, qui lui souffrait beaucoup du temps d'avoir à piétiner, à attendre pour n'importe quelle démarche. Donc, on souffre également du temps ou de la durée. On n'a pas le choix, parce que le temps, ce qui arrive, c'est que la souffrance, elle est perceptible qu'à la condition qu'on puisse la mémoriser. Si on prend une personne qui n'a aucune mémoire, elle, tu vas, par exemple, lui faire mal, elle va souffrir la douleur que tu lui fais dans le présent, mais elle ne souffrira jamais intensément comme une personne. C'est-à-dire que dans sa souffrance, elle ne pourra jamais générer de peur avec cette souffrance, parce qu'au fur et à mesure où elle souffre, elle oublie qu'elle a souffert. Mais ça n'existe pas, une personne qui n'a pas de mémoire. Non, non. Mais si une personne n'aurait pas de mémoire, elle ne pourrait pas souffrir. Et étant donné que l'homme connaît la souffrance par le mémoriel, ce qui fait qu'en plus, si je veux te refaire mal, te rappelant ta souffrance, tu as peur en plus de souffrir. Alors, ce qui fait que l'homme a réellement besoin de sa mémoire pour pouvoir souffrir. Et si tu veux évoluer, tu veux changer, à l'instant même où tu mets cette évolution-là dans les mains du temps, automatiquement, tu t'assujettis aussi à une souffrance. Pourquoi? Parce que la transformation de l'évolution de l'homme, c'est quelque chose qui est refusé par l'ego humain, parce que l'ego humain, c'est la mémoire de l'homme. On a déjà vu souvent en conférence qu'une personne était constituée par ce qu'elle avait vécu, par son éducation, par si elle est religieuse, c'est parce qu'elle est née dans un contexte religieux. Si elle est antisocialiste, c'est parce qu'elle est née dans un contexte antisocialiste. C'est parce qu'elle a vécu des expériences qui l'ont amenée là. Elle a donc tendance à s'identifier à toute sa psychologie. Tout ce qu'elle a mémorisé. C'est ça. Exactement. C'est la raison pour laquelle elle souffre quand elle sent qu'il y a des morceaux de cette cet ego qui s'en vont. Le temps la détruit. C'est sûr que le temps démolit la personne, parce que si on prend l'exemple, combien de fois est-ce que tu t'es assassiné, toi? On meurt à chaque fois qu'on réalise qu'on fait une prise de conscience. Ça peut on être le dit, à mais tous les jours. On n'est pas conscient. Mais t'as raison. Sauf que, est-ce que l'homme en est conscient de cette mortalité? Parce que l'homme a toujours peur de mourir, alors qu'en réalité, il meurt tout le temps. Qui d'entre vous ici sont toujours ce qu'ils ont été? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un qui peut lever la main. Alors, un jour, vous avez déjà été, les femmes, une jeune fille, les hommes, un jeune garçon, que vous avez tué pour devenir l'adulte que vous êtes. Et il n'est pas question de se culpabiliser pour le mécanisme, c'est tout à fait normal. Je veux juste simplement faire comprendre le principe même de la transformation par le temps de l'évolution. Alors, à un moment donné, on croyait en la société. À un moment donné, on n'y croit plus. On a déjà été des corps jeunes, d'enfants de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans, 20 ans, et on n'est plus ce genre de corps. On n'est plus non plus ce genre de psychologie. Pourquoi? Parce que l'être humain, parce que sachez bien que, voilà 2 ans, l'être humain qui aurait pu être ici à votre place, qui est vous, est totalement différent de ce que vous êtes présentement. Donc, un être humain a déjà vécu il y a 2 ans, il porte le même nom, mais il n'avait pas le même corps, ni au niveau des cellules, ni au niveau des constituants moléculaires, parce que le corps s'use régulièrement et on mange pour pouvoir remplacer ce qui s'use. Psychologiquement, ce n'était pas la même chose non plus. Tout était différent. On avait donc un autre être humain qui portait le même nom. Et pour vous permettre à vous d'exister aujourd'hui dans l'instantanéité, cet être humain-là a dû disparaître de la planète. Alors, il vous a laissé le nom, quelques bibelots, quelques souvenirs et quelques parties de son expérience que vous pensez avoir vécue. Mais dans la réalité des choses, rien ne dit que l'homme n'invente pas son passé, comme il invente son avenir. Alors, ce que je veux dire, et il faut bien essayer de comprendre ce mécanisme qui fait qu'effectivement, l'homme meurt. L'homme n'est pas vivant. L'homme vit que parce qu'il se rappelle ses mémoires. Mais l'homme existe à peine. L'homme ne vit pas. Le temps n'existe pas, de toute façon. Alors, on le sait scientifiquement, au niveau de l'astrophysique, ça a été prouvé. Einstein, évidemment, le premier fou en a parlé. Et aujourd'hui, d'autres fous commencent à le prouver. Et lorsqu'on l'aura prouvé, tous les fous seront des génies. Bon. Alors, l'homme est capable de... Prenons l'exemple simplement de lorsque vous étiez jeune. Lorsque vous étiez jeune à l'âge de 7 ans, l'enfant de 8 ans ou l'enfant de 7 ans et demi ou l'enfant de 7 ans et 3 quarts a dû tuer l'enfant de 7 ans pour pouvoir lui-même apparaître. Chaque fois qu'une nouvelle expérience pénètre chez l'homme, il transforme l'homme. Automatiquement, il tue celui qui a vécu l'expérience pour laisser naître une nouvelle personne nouvellement expérimenté. C'est une transmutation. Plutôt. Tout le temps, oui. Radicalement et incessamment, inlassablement. Ce qui arrive, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être... Prenons l'exemple d'une gaffe que vous avez faite à un moment donné, une connerie. Une connerie qui a pu vous amener au divorce, qui a pu vous amener à un avortement, qui a pu vous amener au mariage, qui a pu vous amener... n'importe quoi. Disons... Certaines personnes se sont mariées, n'ont pas fait de conneries. D'autres se sont mariées, c'était réellement une connerie. Ça dépend toujours de la position de l'observateur. Exactement. Alors, je parle d'une erreur que vous pensez avoir commis à un moment donné, il y a de cela quelque temps. Mais sachez bien que vous n'avez pas commis d'erreur. Parce que présentement, referiez-vous la même chose dans les mêmes conditions exactement de la même façon? Non. Pourquoi? Parce que celui qui a commis cette erreur-là est mort. Vous êtes une personne qui avait été capable d'assumer l'expérience de l'autre, de penser que c'est vous qui l'aviez vécu. Vous êtes transformé parce que vous n'êtes pas la personne qui a commis l'erreur, vous êtes une nouvelle personne. Vous portez le même nom. Vous avez une apparence de continuité de vie parce que vous vous rappelez ce que les autres ont, ce que les autres vous-même ont fait. Et de ce fait, pensant que tout ce qui s'est passé dans mon corps, sous mon nom, ce n'est même pas dans mon corps, mon corps change, mais sous mon nom, depuis, disons, 27 ans, ce qui me concerne, je dis, c'est moi qui l'ai fait. Mais en réalité, c'est faux. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Lorsque j'avais 12 ans, j'ai fait des choses, et c'est l'enfant de 12 ans-là qui a fait ces choses. Mais à 13 ans, la nouvelle conscience qui habitait cet enfant avait tué l'enfant de 12 ans. Et à 14 ans, la nouvelle conscience de l'enfant de 14 ans avait évidemment tué l'enfant de 13 ans. Et l'homme va dire, non, non, tu t'es transformé. Oui, mais si je prends un arbre et que je le transforme pour en faire une maison, est-ce que c'est un arbre? J'ai tué l'arbre, j'ai une maison, mais ce n'est pas l'arbre. Et si je démolis la maison pour en faire quelque chose d'autre, pour en faire un feu, le feu n'est pas l'arbre et le feu n'est pas la maison. Alors si on dit oui, mais c'est une transformation, sachons que lorsque nous transformons, nous tuons. Et c'est correct, c'est normal, parce que si nous ne tuons pas, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de vie, parce que la vie est une transformation. Les molécules se changent, se régénèrent continuellement, il y a une vibration même dans la molécule matérielle et dure. Alors ce qui fait que continuellement, l'homme se tue, pour pouvoir se naître. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, une personne puisse dire « Comment j'ai pu faire pour faire telle chose? » Mais posez-vous pas la question. Vous n'avez jamais fait cette chose. L'être qui l'a fait à ce moment-là n'avait pas le choix parce qu'il était ignorant, parce qu'il manquait d'informations. Il n'avait pas le choix, lui, de faire autre chose que ce qu'il a fait. Et l'expérience l'a tué pour faire naître un nouvel être expérimenté qui n'a pas à se culpabiliser que l'autre avant inexpérimenté ait accompli telle action. Dans l'inconscience, il ne peut pas y avoir de sentiment de culpabilité. Impossible. Coupable de quoi, puisqu'il n'est pas conscient. Tu n'as pas fait, justement. Alors, si un jour tu lances une roche quand tu es jeune et tu casses une vitre, que tu aies voulu la briser ou non, tu n'avais pas conscience du karma ou de l'action ou de la réaction que cela occasionnerait, ce qui fait que tu le fais. C'est plaisant. Tu écrases des grenouilles, hein? Bon, tu en fais fumer, tu mets des couleuvres bon, à des places, tu fais des choses dans le genre et c'est plaisant pour toi, pas nécessairement pour les autres. Et il y a de l'ignorance, c'est-à-dire que ce n'est pas grave parce que l'enfant qui fait ça, lorsqu'il apprend des choses, il ne le fait plus. Et s'il le fait encore, ça ne change rien quand même que celui qui l'a fait au premier niveau n'est plus là. Qui présentement est encore ce qu'il était il y a 2 ans? Totalement. Moléculairement, cellulairement, psychologiquement, mentalement, expérimentalement, mémoriellement, spirituellement, mettez tout ce que vous voudrez, personne. Mais on comprend ça au niveau physique, que ce n'est pas d'ailleurs sous notre contrôle, ça, cette transformation-là. Maintenant, est-ce que sur le plan psychologique ou le bloc émotionnel, est-ce qu'on a une certaine possibilité de contrôler, de changer, d'aider à cette transformation, de la hâter? De créer ces prises de conscience-là. Disons qu'on peut dire oui et en même temps, on peut dire non. C'est un peu comme le mécanisme physique. Est-ce qu'on peut arriver à rajeunir le corps? Ben oui, on peut arriver à rajeunir le corps. Sauf que, donc oui. Mais est-ce qu'on peut arriver à retrouver ce que nous étions? Absolument pas. Donc non. Alors même si moi je rajeunis mon corps pour en faire un corps de 12 ans, ce ne sera pas le même enfant de 12 ans que l'enfant de 12 ans que j'ai déjà été. Ce sera un autre enfant de 12 ans. Parce que la conscience sera différente. La seule façon d'être ce que j'ai été, c'est par ma mémoire. Et lorsque je pense que tout ce que ma mémoire a en elle est moi dans l'authenticité du présent, lorsque cette mémoire doit être abandonnée parce qu'elle est inadaptable à la réalité, j'ai l'impression que c'est une partie de moi qui tombe. Et là, j'ai peur de ce qui s'en va. Mais en réalité, ce n'est pas moi qui m'en vais. La journée que, par exemple, vous êtes chaud, vous êtes ivre-mort, vous pouvez même tenter l'expérience à un moment donné, allez-vous-en avec un de vos amis et saoulez-vous la gueule tous les deux afin de ne plus savoir ce que vous êtes ou ce que vous faites. Et le lendemain matin, la police vient chez vous et elle dit que vous avez tué quelqu'un. Vous ne vous en rappelez pas. Et on vous explique tout. Il y a votre, des parties, disons, des morceaux de votre linge là. Il y a ci, il y a ça, il y a ça. Il y a un peu de sang. Vous avez été blessé. Alors, on vous met en prison. On vous condamne à vie. Vous allez vous sentir coupable toute votre vie pour avoir commis quelque chose que peut-être c'est l'autre qui a commis. Mais étant donné que mémoriellement, vous allez accréditer ce mécanisme, vous allez dire, j'ai fait, je ne boirai plus, comment j'ai pu faire pour. C'est la même chose. Que ce soit vous, à cette époque ou l'autre, pour l'homme qui pense que mémoriellement, ce qu'il a dans sa tête, c'est lui, c'est la même chose. Alors, 15 ans après, on vous dit, non, c'est votre ami qui était aussi ivre mort et vous avez été blessé. On explique tout ce qui s'est passé. Puis, en fin de compte, on vous gracie et l'autre, on le met coupable et on le punit. Ça change quoi? Vous avez cru une mémoire qui était, selon vous, ce que vous aviez fait. Et en réalité, parce que matériellement, on peut vous le prouver à un moment donné, vous allez peut-être vous dissocier de cette mémoire. Mais c'est le même mécanisme pour tout ce que vous faites. Quand est-ce l'homme fait-il une erreur? L'homme ne fait pas d'erreur. L'homme fait toujours une erreur vue par un autre. Parce que quand vous faites quelque chose, à l'instant où vous le faites, vous ne savez pas que vous faites une erreur. Vous allez le savoir après, mais après, ce ne sera pas vous. Ce sera vous évolué, c'est-à-dire que ce sera un autre. Un autre vous qui va pouvoir dire, maintenant qu'il a l'expérience, donc maintenant qu'il n'ignore plus la réaction de son acte, il va dire, « J'aurais pas dû faire ça. » Mais en réalité, il devrait dire, « Présentement, je ne le refais pas. » Prenons l'exemple maintenant de gens qui font le mal sciemment, là, en toute conscience, prenons les gens très endurcis au niveau du mal ou du crime, les gens de la mafia, par exemple. On assiste aujourd'hui de plus en plus à de la délation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent plus vivre avec le poids de cette mémoire, de ces crimes qu'ils ont commis, et ils commencent à accoucher, à se mettre à table et à donner les noms. C'est qu'ils ont tellement l'impression d'être ce qu'ils ont en mémoire. Et ça peut être des mémoires génétiques, parce que, prenons une mémoire génétique, qu'est-ce que c'est qu'une mémoire collective? Lorsque je parle du collectiviste social, du collectiviste humain, du collectiviste planétaire, une mémoire collective, une mémoire génétique, où à un moment donné, moi, je dis, bon, alors, je vais tuer, je vais voler. Mon père était voleur, mon arrière-grand-père était voleur, mon aïeul était voleur, et moi, je suis aussi voleur. Je l'ai dans le sang. C'est pas de ma faute, je peux pas faire autrement. C'est comme ça, tel père, tel fils. C'est complètement faux. Mais parce que l'homme fouille pour trouver ses racines, ce qui n'est pas nécessaire à l'évolution de l'homme de connaître ses racines, parce que l'homme veut trouver ses racines, il s'enracine de plus en plus, ce qui fait que l'arbre ne peut même plus bouger. Et si le sol devient pauvre, l'arbre subit la pauvreté du sol. L'homme est un être qui vit, qui n'a pas à chercher ce qui s'est passé dans sa famille. Au niveau biologique, au niveau médical, cela peut avoir certaines utilités, mais pas au niveau psychologique. Lorsqu'une personne cherche au niveau psychologique, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle accuse telle phobie, telle peur, tel désir, tel fantasme, elle va simplement fouiller dans ses mémoires qu'elle accrédite comme étant ce qu'elle a fait. Et même un hypnothérapeute peut prendre une personne et la ramener à sa naissance, par exemple, et lui dire, voilà, tu as fait telle chose, c'est pour ça que tu as telle peur. Donc, maintenant, comprenant ça, peut-être que tu pourrais arriver à te thérapiser pour te guérir. Mais qui dit à la personne que réellement, elle a vécu ça? Oh, rien. Elle revoit dans sa mémoire, mais sachant que l'hypnose, ça te plug sur le plan astral, puis tu te ramasses n'importe où, puis tu vois n'importe quoi. Mais tu dis, ah ben tiens, c'est ça, puis ça explique. Ça n'a aucune importance. Pas nécessaire de savoir réellement si tu l'as vécu ou non. Alors, on peut te faire à croire que c'est telle chose et tu vas le prendre. La personne qui, à un moment donné, devient violent. Tu dis, par exemple, quelqu'un qui fait le mal sciemment. Il n'y a personne qui fait le mal sciemment. Parce qu'une personne qui fait le mal sciemment fait le mal, ce mal résonne mal chez les autres. Mais elle en retire du plaisir. Elle en retire de l'argent. Elle en retire une preuve de sa maturité, de son adultorat. Elle en retire quelque chose au même titre qu'un autre va retirer les mêmes mécanismes, mais d'une manière socialement plus bénéfique. Tu veux dire qu'il y a quand même un voile, il y a une illusion sur la conscience. Il ne sait pas qu'il fait le mal. Ouais. Le sorcier au Mozambique qui, par exemple, reçoit 3 cochons ou 3 moutons pour pouvoir ensorceler telle femme de façon à ce qu'elle tombe en amour avec tel bonhomme, c'est de la sorcellerie, donc de la magie noire. Il fait le mal. Entre toi et moi, il fait le mal. Mais entre lui et lui, il fait le bien. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas de personnes qui font le mal sciemment. C'est sûr qu'à un moment donné, on peut prendre une personne, la brasser un peu, donc on lui donne une nouvelle expérience, ce qui fait qu'on tue l'être malsain pour peut-être créer un être bienfaisant. Peut-être. plus souvent qu'autrement, on renforcit l'être malsain dans ce qu'il est. Pourquoi? Parce que dans ses mémoires de violence, on continue à mettre des mémoires de violence. Alors, lui, seul comme l'homme ordinaire, comme l'homme ancien surtout, pensant qu'il est ses mémoires, alors il n'y a que de la violence dedans, alors il va continuer à être violent. Alors, mais prenons le gars de la mafia qui se met à vider son sac, là, à se soulager l'âme, en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas une façon pour lui de vouloir intégrer ces mémoires-là ou les dissoudre, de laver la mémoire? S'il se soulage publiquement devant un juge, il vend sa gang. Alors là, effectivement, il essaie de... Et ce mécanisme peut être difficile à comprendre. Il essaie simplement de prendre son fardeau et de le collectiver. Donc, il informe la communauté de ce qui se passe. Tout le monde le sachant, lui, il a beaucoup moins de poids parce que l'information qu'il était le seul à avoir, ça lui pesait tellement sur les épaules. Maintenant, il est réparti sur tous ceux qui vont entendre. Alors, ce qui fait que maintenant, c'est en soulager. Pourquoi? Parce que karmiquement, la société va maintenant assumer le poids de ce que ce bonhomme-là assumait. Et c'est pour ça qu'on a des délateurs. C'est pour ça aussi qu'on a eu longtemps le culte de la confession, par exemple. Ça peut être une confession publique, ça peut être une confession devant Dieu, où le prêtre ne faisait que déculpabiliser la personne en lui disant « Dieu t'a pardonné ». Mais en réalité, il fallait que l'homme se pardonne. Lorsque je me pardonne moi-même, je ne me sens plus coupable. Et me pardonner moi-même, c'est un peu prendre une partie de mes mémoires et l'abandonner. Je ne resterai plus, je ne suis pas mauvais, je ne suis pas infernal, je ne suis pas luciférien, je ne suis pas satanique. Tu coupes des mémoires de toi, mémoires qui ne vont pas avec ta conception, disons, de l'évolution ou de ce que Dieu attend ou de ta morale sociale ou de, etc. Tu coupes. Mais lorsque nous disons à un moment donné, Dieu n'existe pas, la grande majorité des personnes ne voudront pas couper cette mémoire. Et le mécanisme qui permettrait à la personne de connaître les choses devrait lui permettre de couper même cette mémoire. Lorsque l'homme veut se conscientiser, on parle de la psychologie de la femme nouvelle. On va y revenir d'ailleurs, on parle de la psychologie présentement de l'homme ancien versus l'homme nouveau. Et la femme et l'homme, de ce niveau-là, c'est la même chose. Lorsque tu apprends quelque chose, lorsque tu... Une base psychologique, certains appellent ça spirituel, une base spirituelle, sur lequel tu fondes ton existence. Dieu m'a créé. Dieu est parfait, Dieu est partout. Dieu est en moi. Je ne suis pas parfait. Je dois être parfait. Dieu va m'aider. Dieu peut me punir. Tout ça, c'est une base qui solidifie la majorité de l'évolution vivante de l'homme, quel que soit le nom de Dieu. Et évidemment, il y a toujours l'antipode, les démons, que ce soit le diable, que ce soit Belzébuth, que ce soit Satan, que ce soit Lucifer, que ce soit Morose, que ce soit... On en a plusieurs dans différentes religions encore, Kali. On a toujours l'antipode qui fait qu'on est capable de... Et ça nous aide. Les bonnes actions, je peux m'en valoriser, et les mauvaises actions, c'est à cause des forces noires. Alors, ça me permet facilement de couper de moi les parties que je pourrais trop accréditer comme étant moi-même, sauf si je pense être possédé. C'est de la projection ou un transfert, comme disent les psychanalystes. Exactement. Mais lorsque tu es capable de dire tout ce monde sur lequel je me base, donc les dieux, les démons, Dieu est parfait et Dieu est partout, moi je suis une partie de Dieu, je ne suis pas parfait, donc Dieu est imparfait. Si Dieu est partout et Dieu est en moi et que Dieu est parfait et que je suis imparfait, c'est que Dieu est imparfait. Si tu fais juste additionner mathématiquement, je ne parle pas d'intellectualiser, prenez à un moment donné tous vos croyances sur lesquelles, et c'est un peu ce qu'on fait au niveau du séminaire PMC intensif, c'est qu'on sort à peu près tout ce qui existe comme croyance, comme base ésotérique, comme base psychologique, comme base spirituelle, comme base humaine, comme base psychosociale, pour simplement faire une analyse logique. Alors, 1 plus 1 fait 2, et 2 moins 1 font 1. Mais lorsque 1 plus 1 font 3, parce que 3 et 4 font 27, et que 27 n'est pas bon, mais par contre, 3 et 4, c'est bon, c'est un peu comme ça que la religion, que la philosophie, que la psychologie évolutive de l'homme se contente. Alors, quand on disait « les voies de Dieu sont impénétrables », ça veut dire « pauvre cave ». Ça arrête de réfléchir, tu risquerais de comprendre. « Les voies de Dieu sont impénétrables ». Cherche pas, tu comprendras pas. Mais à un moment donné, tu cherches puis tu comprends. Et plus l'homme comprend, plus l'homme a peur de perdre son Dieu. On a même déjà été jusqu'à dire qu'un Dieu compris n'était plus un Dieu. Et c'est vrai. Mais ça fait peur à l'homme, parce que l'homme préfère avoir un Dieu que d'avoir peut-être un ami, que d'avoir peut-être un allié, que d'avoir peut-être lui-même. Lorsqu'on dit le Nazaréen, qui a quand même dynamisé l'énergie de l'Église catholique, disait qu'un jour l'homme ferait comme lui et même plus, que là, l'homme était un fils de Dieu et que lui était un fils unique. En ce sens que dans l'instant où il parlait, il était le seul connecté à l'énergie divine ou à l'énergie christique. Mais il n'était pas le seul à pouvoir le faire. Il l'a dit lui-même. Alors, on va tout accréditer ce que le Nazaréen a dit, sauf lorsqu'il dit, ça on l'oublie, et on va dire que j'interprète lorsque je dis que le Nazaréen a dit qu'à un moment donné, l'homme ferait la même chose ou plus. Alors, l'homme, continuellement, s'il analyse méthodiquement, simplement, il fait juste placer sur un papier toutes ses conceptions et ses croyances, à un moment donné, il va devoir se rendre compte qu'il commence à comprendre des erreurs. Il devra abandonner ses bases, et ses bases abandonnées font qu'il ne sait plus sur quelle béquille s'appuyer. Il n'a donc pas peur de ce qui vient, il a toujours peur de ce qui s'en va. Mais l'évolution de l'homme, ce n'est pas comme lorsque nous prenons de la glaise pour faire une statue. Nous ne rajoutons pas de la glaise à tout bout de champ pour jusqu'à temps qu'on ait la statue. Normalement, on fait un bloc, et après ça, on élimine, on ôte, jusqu'à temps que la statue, que l'art se révèle. Et l'homme, de la façon où qu'il évolue, c'est qu'il accumule de l'expérience. Et il ne veut pas perdre celle qu'il a eue. Alors, l'enfant, on dit l'enfant est naïf, mais l'enfant vit. L'enfant aime vivre. L'enfant goûte la vie. L'enfant n'a pas peur de mourir. J'en ai vu souvent des enfants qui sont morts à l'hôpital Sainte-Justine lorsque je travaillais là. Et les adultes broyaient, c'est incroyable, parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir que l'enfant meure en souriant. Bon, l'enfant n'avait pas peur. Et l'adulte accumulant des mémoires, des informations, de l'expérience, ce que lui ose appeler de l'expérience, d'ailleurs, c'est pas plus ce que c'est, mais c'est pas nécessairement bon d'avoir de l'expérience psychologique au niveau de la vie, il finit par continuellement essayer d'expliquer l'avenir à partir du passé, ce qui, évidemment, le décroche complètement de la réalité vivante. Il essaie d'expliquer le présent à partir du passé, ce qui le déconnecte complètement du présent aussi, ce qui fait que l'homme projette toujours un monde d'illusions en avant, son passé qu'il essaie d'appliquer à la réalité. Donc au présent, ce qui fait que l'homme se crée une illusion. Et lorsque la réalité vient façonner l'homme pour que l'homme se révèle à lui-même, l'homme a peur parce que l'homme, c'est un peu comme si je te disais, tu as chaud présentement, tu es trop vêtu. Tu me dis, oui, mais c'était l'hiver. Je dis, oui, c'était l'hiver, mais présentement, c'est le printemps. Tu es trop vêtu. Tu vas être malade. Tu dis, oui, mais c'est l'hiver. C'était l'hiver. Ôte certains de tes vêtements, tu n'en as plus besoin. Et toi, tu résistes, tu ne veux pas. Et tu as même attaché et fermé et zippé et boutonné et mettre le collet et tout le tralala. Et à un moment donné, je te dis, l'été est là. Ôte tes vêtements. J'ai eu tellement froid pendant l'hiver. Exactement, ce qui fait que tu ne veux rien savoir. Et là, gagnant de la chaleur, de la transpiration et tout ce qui va avec, tu es convaincu que tu es sur le chemin. Non, là, j'ai tellement voulu me réchauffer que là, je transpire, là, ça n'a plus d'allure, là. Mon linge commence à être sèche, tellement il cuit, mais là, c'est l'évolution totale, c'est parfait, là, je ne veux plus rien savoir. Ma mémoire attend le prochain hiver. Oui, mais le prochain hiver, tu vas geler, parce qu'avec toute l'eau qu'il va y avoir en dessous de tes vêtements, on sait ce que ça donne, hein. Ça va glacer. Et c'est ce qui se passe dans l'évolution de l'homme. Alors, à un moment donné, on a des béquilles, on a des choses qui sont utiles, qui servent l'homme. Et on ne peut pas blâmer ces béquilles. On va toujours marcher, toujours, c'est pas vrai. On va marcher encore longtemps sur des béquilles ou dans des chaises roulantes, ce qui est plus rapide et plus motorisé puis à un moment donné. Bon. Mais ces béquilles, à un moment donné, doivent être éliminées parce que la personne s'améliore. Et si la personne s'améliore mais ne veut pas perdre cette béquille parce qu'elle se rappelle lorsqu'elle en avait besoin, elle a... J'ai déjà vu un de mes amis, justement, qui avait une fracture de la cheville. Et puis, à un moment donné, il montait un escalier, il avait l'air avec pas mal de difficultés et je lui ai dit, prête-moi donc tes béquilles, t'as l'air d'avoir de la misère avec. Alors, il me donne ses béquilles, puis là, il est monté. Alors, c'est souvent comme ça. Et la personne qui, à un moment donné, ne veut plus les quitter parce que, oui, mais ma cheville, ben non, je me suis déboîté l'épaule, j'ai encore mal à l'épaule, puis là, je ne veux pas trop l'user. Tu sais, dans 5 ans, je vais commencer à être trop tard. Dans 5 ans, ça va être tellement cristallisant en mémoire, et même physique, que tu auras de la difficulté. Il faudra travailler plus. Bon, et les mouvements féministes dans le monde aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas justement une prise de conscience, une tentative de se libérer de ses béquilles ou de ses mémoires? Du passé, non. De ce conditionnement forgé par les hommes? Non, c'est une tentative de changer de béquille. Mais ce n'est pas une tentative de se libérer des béquilles. Pourquoi? Parce que, mais c'est très bon ce qui s'est fait, parce que ça a quand même permis à la femme... La libération de la femme, en réalité, elle a eu comme effet surtout de libérer l'homme. Parce que l'homme était pogné beaucoup plus que la femme. La femme, à un moment donné, a pris conscience de son état et elle a commencé à militer pour trop. Elle n'a pas compris la limite, elle n'a pas compris l'ajustement qu'elle devait faire par rapport à sa vie à elle-même. Donc, elle a voulu, à un moment donné, être l'égale de l'homme. Ce qui est totalement impossible. La femme peut être l'égale de la femme et l'homme peut être l'égale de l'homme. Sauf que l'homme avait l'impression, et c'est normal de par sa psychologie astrale qui est d'honneur, avait l'impression d'être supérieur à la femme. D'ailleurs, certains hommes ont encore l'impression d'être supérieur et certaines femmes ont l'impression d'être inférieures, tandis qu'on a aussi l'inverse et on a une classe de gens, l'homme transitif vers l'homme nouveau, femme ou homme, qui commence à comprendre qu'effectivement, la femme a un rôle aussi important que l'homme à jouer. Les deux sont complémentaires dans la totalité, mais totalement différents. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'homme a des qualités qui prédominent sur la femme dans l'évolution, tandis qu'à un autre moment donné, la femme a maintenant des qualités qui prédominent. C'est exactement comme si on disait, j'ai une lampe de poche qui a un miroir. Le miroir est en arrière de la lampe de poche et la lampe est en avant. Alors, la nuit, la lampe de poche, la lumière prédomine sur le miroir, tandis que le jour, le miroir prédomine sur la lampe, en termes d'énergie. Alors, qui est lequel? Tu t'en sers régulièrement, ce qui fait que tu as le miroir pour t'éclairer le jour ou pour faire certaines choses, et tu as ta lampe la nuit, donc tu es complet. On pourrait dire que la lumière te suit pour faire spirituel. Bon. Mais c'est la même chose pour l'homme et la femme. Lorsque le mouvement féminin a commencé, évidemment, l'homme s'en est servi parce que c'est l'homme qui a commencé à imprimer des chandails « Je suis une femme libérée », tout le tralala, puis bon, on a commencé à vendre des choses, les femmes ont acheté au coton, et l'homme en a profité pour faire de l'argent. D'ailleurs, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que les femmes ont surtout obligé l'homme à se tasser. La femme, elle a permis de remettre l'homme à sa place, tandis que l'homme étant remis à sa place, laissait la place à l'expression de la femme, à l'émancipation de la femme. Mais la libération de la femme a surtout libéré l'homme de l'esclavage qu'il avait à être supérieur à la femme. Parce qu'un maître de quelqu'un évolue moins que l'esclave. Parce que le maître donne des ordres, le maître rentre, bat tout le monde, le maître marche, le maître n'expérimente rien. Il ne connaît pas la vie. Tandis que la femme qui élève l'enfant, la femme qui fait la cuisine et qui essaie de plaire et qui mange les restants, on pourrait dire d'autres choses, la femme qui travaille toute la journée et qui doit finir jusqu'à 10 heures le soir parce que le bonhomme a travaillé 8 heures puis est claqué, on connaît de moins en moins ça. Mais quand même, on a connu longtemps et on connaît encore un peu. D'après les féministes, là, il y a seulement 2% des hommes qui ont conscience de ça, de oui, cet équilibre-là des tâches partagées, d'après les féministes. 2% seulement. Oui, mais c'est pas vrai. Parce que je connais des femmes, moi, qui refusent complètement que leur mari fasse des choses parce que le mari les fera pas comme elles. Ah, j'ai pas qu'il fasse la vaisselle, là, c'est pas comme je la fais, puis il y a toutes les petites tâches, puis ici, puis c'est ça. Il lave le linge, oh non, il va mélanger les couleurs, puis c'est ça. Mais à un moment donné, la femme, elle éduque l'homme aussi à redevenir ce qu'il était. Alors, la femme, elle a libéré l'homme quand même, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui... Oh, c'est évident qu'inconsciemment, à un moment donné, il y a encore des hommes qui comprennent le mécanisme de l'équilibre entre l'homme et la femme et qui n'arrivent pas à le vivre régulièrement. Mais souvent, la femme aussi l'embête, parce que la femme ne l'exprime pas, parce que la femme ne s'est pas libérée, elle a libéré l'homme. Maintenant, la femme, de plus en plus, va évidemment arriver à se comprendre, à rentrer dans son énergie. Et la femme, lorsqu'elle sera dans son énergie, elle n'aura plus besoin, dans la matière planétaire, de l'aide de l'homme. Par contre, elle aura toujours besoin de l'homme pour évoluer, c'est-à-dire pour s'améliorer. Et évidemment, à l'inverse, c'est vrai, l'homme aura toujours besoin de la femme. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Lorsque nous parlions, il y a 2 semaines, lors de la conférence de la psychologie de la femme nouvelle, et le 3 semaines, la psychologie de l'homme nouveau. Et on peut se référer à ces conférences qui sont sur cassette, parce que, disons, je ne veux pas répéter, parce que je déteste répéter, et surtout qu'on enregistre, donc c'est pas intelligent de répéter nécessairement. Lorsque l'homme et la femme travaillent de concert pour s'améliorer, donc, je ne parle pas nécessairement d'accumuler de l'expérience. L'homme accumulera toujours de l'expérience. L'expérience sur laquelle, disons, que je piétine un peu, c'est l'expérience psychologique et non pas l'expérience mentale ou l'expérience mathématique. Alors, c'est sûr que si tu dois réapprendre à conduire ton véhicule automobile, chaque fois que tu embarques dedans, il y a un problème. Alors, à un moment donné, c'est une expérience. Mais si l'expérience d'un accident dans le tunnel Louis-Polyte-Lafontaine fait que tu ne peux plus prendre le tunnel Louis-Polyte-Lafontaine, cette expérience-là, elle n'est pas évolutive, elle est involutive, elle est défaisante, elle est disgraciante, elle est complètement stupide. Et la personne, maintenant, envisage continuellement cet accident lorsqu'elle pénètre dans le tunnel, ce qui fait que vous avez sans doute pris le tunnel Louis-Polyte-Lafontaine à un moment donné, et certains ont pu constater qu'il n'y avait pas de trafic, qu'il n'y avait aucun char en panne, qu'il n'y avait rien, mais que c'était tout le monde était ralenti, on dit stallé en québécois, avant l'entrée du tunnel. Puis une fois que tu peux entrer dans le tunnel, ben là, tu peux accélérer, il n'y a rien avant. Pourquoi? Parce que vu qu'il fait noir dans le tunnel, les personnes ralentissent toutes avant de rentrer parce qu'ils ont peur. Puis une fois qu'ils sont dedans, ben là, ils vont. Et souvent, ils vont ralentir à la sortie. Et à l'intérieur, tout va bien. Alors, ces mécanismes font que la personne, elle a toujours avec elle des mémoires psychologiques d'expérience qui ne sont pas applicables dans la réalité. Alors, elle transforme la réalité pour appliquer son expérience, qui n'est pas nécessairement vraie. Alors, j'ai connu une personne, à un moment donné, qui avait l'hiver, son auto ne partait pas. Et un monsieur qui connaissait tout, il passait par là, il a ouvert le hood, il a commencé à ôter le filtre à air. Et puis, il a dit que le moteur était noyé, alors il fallait mettre la pédale au plancher, puis tourner, puis tourner, puis tourner, puis tourner. Alors, premièrement, il lui a pas dit que le démarreur, il fallait le faire marcher 15 à 20 secondes, et puis le laisser se refroidir un peu. Hein? Alors, il a tourné pendant 5 minutes le démarreur. Et le char ne partait pas. Alors, à un moment donné, connaissant tout encore, parce qu'il avait déjà vu faire certaines choses ailleurs, ce monsieur, il avait donc de l'expérience, mais une expérience inintelligente. Alors, à un moment donné, il place ses deux mains sur le carburateur pour l'obstruer, donc pour l'étrangler. Et il demande à la femme de continuer. Alors elle continue, à un moment donné, elle pompe, elle continue, et il y a eu quelque chose. Il y a eu un retour de flamme. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est lorsque l'explosion se fait, mais que la soupape d'admission, l'admissipondaire n'est pas totalement fermée, ce qui fait que le feu qui, normalement, pousse le piston, sort par la soupape d'admission, sort par le carburateur, et brûle le monsieur au complet. Voilà. Alors, le feu a pris après ses vêtements, on appelle ça un retour de flamme, alors ce qui fait que son expérience a fait que, par la suite, évidemment, il n'allait plus placer ses mains là. Mais il n'ouvrait même plus un capot de peur que ça saute au visage. Et le filtre à air est là, premièrement, pour empêcher les retours de flammes. Il y a différents mécanismes. Il filtre l'air, évidemment, mais je veux dire, on ne peut pas rouler sans filtre à air parce que ça peut mettre le faux moteur. Et l'expérience de la personne a fait que c'était un homme, donc, évidemment, égoïquement, là, il pouvait se prouver. Il y avait une femme, une faible femme, n'est-ce pas, qui n'était pas capable de partir son char. Et ensuite, il y a eu un faible homme qui n'est pas capable d'éteindre le feu. Et son expérience a fait qu'il est arrivé, convaincu, tout pépin de pep, barbouillé d'enthousiasme. Alors, il ouvre le capot, défait tout en morceaux. Il n'a même pas eu la décence de replacer les morceaux avant de s'en aller à l'hôpital. Et puis, continuellement, cette personne, par la suite, au lieu de comprendre les mécanismes de la mécanique, elle ne fait que réexprimer les mécanismes de sa psychologie. Alors, elle a enregistré une expérience matérielle qui a été colorée par l'émotion de ce qu'elle a vécu, et elle ne peut plus ramener l'expérience sans ramener l'émotion. Et c'est cette émotion psychologique, cette expérience psychologique sur laquelle je pile. Je l'écrase complètement, c'est de la vraie merde. C'est même pire. La merde, c'est toujours une utilité comme engrais, mais pas ça. Ça aide à rien. Alors, lorsque la femme... Nouvelle. Lorsque la femme commence à vouloir s'émanciper, c'est qu'elle prend un paquet de mémoires qui sont à l'homme. Et elle essaie maintenant de les appliquer, elle. Donc, elle veut devenir l'égale de l'homme. Elle ne peut pas. Lorsque l'homme et la femme vont travailler de concert, comme je disais tout à l'heure, est-ce que cela veut dire que nécessairement la femme doit être à côté d'un homme pour arriver à ce contact supramental, ce qu'anciennement on appelait l'esprit saint ou l'intelligence active ou autre chose? Est-ce que l'homme doit nécessairement être à côté d'une femme pour arriver à ce contact supramental? Alors, on peut dire premièrement que de prime abord, d'ailleurs, lorsque je vais revenir du Pérou dans un mois, on va parler du concept psychologique du couple nouveau. Ce sera le 6 décembre, ça. Le 6 décembre, c'est ça, oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus il y a d'hommes qui sont capables de se conscientiser, de devenir intelligents, de se rapprocher de l'homme nouveau, donc d'être capable de savoir des choses sans l'avoir expérimenté. Et ça, c'est important qu'on comprenne à un moment donné qu'effectivement, l'homme, l'humain, peut savoir sans expérimenter. Lorsque deux personnes discutent ensemble d'un problème, ils n'en ont pas de solution. Et après quelques temps de discussion, la parole a fait qu'ils ont compris une solution. Ils ne l'ont pas expérimenté, ils sont capables par la parole, parole qui sera d'ailleurs l'apanage de l'homme nouveau, ils sont capables par la parole d'arriver à trouver une solution. L'homme est capable de savoir inexpérimentalement, tandis que l'homme ancien, il sait inexpérimentalement, mais plus il apprend sans expérimenter, plus il expérimente cet apprentissage, ce qui fait qu'à un moment donné, ça demande moins d'énergie de fouiller dans le bagage mémoriel pour l'adapter à la réalité que de se connecter directement sur la réalité. Alors, plus l'homme vieillit, moins l'homme est efficace dans la réalité. Par contre, l'homme peut suppléer à son inefficacité apparente par son expérience. Mais il ne comprend pas l'évolution des jeunes, mais il ne comprend plus l'évolution sociale, mais il ne comprend pas la transformation religieuse, mais il ne comprend pas l'important. Il va être capable encore de vivre, de marcher un peu dans la société, puis encore, certains, la majorité d'ailleurs, n'en sont même pas capables. Pourquoi? Parce que son expérience lui permettrait de vivre d'une façon extraordinaire il y a 50 ans. Si le temps s'était arrêté. Exactement. Mais pas parce que le temps avance, son expérience ne sert pas autant qu'il croit qu'elle pourrait servir. Alors l'homme veut de l'expérience, et c'est de l'expérience psychologique surtout qu'il va chercher, et c'est un gros problème. Lorsque l'homme est capable de faire confiance à sa faculté d'exprimer un savoir instantané, une intelligence active, non pas reliée à ses mémoires expérientielles, donc non pas reliée à ce qu'il sait. Lorsque l'homme est capable de regarder deux champignons et de dire, bon, mais celui-là, je le mange, l'autre, non, touche pas, il est vénéneux. Comment c'est ça que tu le sais? Je le sais. Pourquoi le chameau est-il capable, dans le désert, de se diriger à un moment donné vers un point d'eau qu'il ne connaît pas, qui est enfoui sous la terre, d'arrêter au-dessus, de creuser, de boire de l'eau, tandis que l'homme expérimenté se perd royalement dans le désert, boit du sable puis meurt là? Parce qu'il n'y a pas de pendule de radiesthésiste. Dans la bosse. Non, le bonhomme, il n'y en a pas. S'il y en avait un, il trouverait le point d'eau. Oui, pourquoi que s'il aurait un pendule, il trouverait le point d'eau? Parce qu'il est capable d'amplifier des mécanismes qu'il a en lui auxquels il n'est pas capable de se référer par sa propre psychologie expérimentale. Exactement. Il a en lui ce mécanisme. Il a en lui ce pendule. Mais il doit prendre une baguette de sourcier, donc de l'aune, ou un pendule, ou un mécanisme, un paquet de cossins, pour trouver de l'eau. Parce que il va se dire, je suis un être humain, je suis une créature de Dieu. Je suis très évolué. Je suis pas un chameau. Fait que je peux pas faire comme le chameau. C'est ce qui se passe. Si le chameau est capable, si l'ours est capable, si le lièvre est capable, si le cheval est capable, si le chien est capable, l'homme devrait être capable, mais l'homme est incapable. Alors, l'homme est en réalité capable. C'est que l'homme a la faculté de créer un ego. Ce que les animaux n'ont pas. L'animal domestique finit par s'en créer un qui va être à l'image de son maître. Oui, mais regarde, ça doit être intéressant si tu étudies la psychologie du chameau dans ton exemple. Lui, il doit dire, le bonhomme, il est en train de se laisser crever de soif, là, de faut mourir. Faut-il pas forcément. Il doit se dire, il se laisse mourir pour que moi, je puisse vivre. Il va me laisser aller boire l'eau. Lui a décidé de se sacrifier. C'est un dieu. Il doit dire, moi, je suis pas capable d'être comme l'être humain, un dieu. Non, effectivement. C'est sûr que si le chameau aurait une psychologie humaine, évidemment, il partirait une religion avec tous les squelettes qu'on a dans le désert. Bon, c'est évident. Mais le chameau n'a même pas de conscience de ce qu'il fait. Et lorsque l'homme est réellement humble, il n'a pas non plus de conscience égoïque de ce qu'il fait. Il le fait et c'est tout. Alors, l'homme est capable d'arriver à ce savoir instantané, un savoir qui est inexpérimentable. Et disons que présentement, dans le début, lorsque l'homme va avoir ce savoir, il va l'expérimenter égoïquement, il va couper le contact. Mais c'est un savoir qui ne sera pas expérimenté éternellement par l'ego. Et c'est un savoir qui instruit l'homme de ce que l'homme a besoin de savoir dans l'instantanéité d'un événement pour lui permettre d'être 100% efficace. Alors, tu ne peux pas arriver et lorsque tu vas faire quelque chose, ben, tu te demandes qu'est-ce que tu pourrais faire pour un autre. Ça marche pas au niveau de l'énergie supramentale. Ça marche pas au niveau d'intelligence active. Tu vis instantanément ce que tu as à vivre. Et lorsqu'il y aura plus d'hommes sur le plan planétaire qui auront ce contact supramental, il y aura plus de femmes qui pourront y arriver. Mais plus il y aura de femmes qui seront conscientisées à cette énergie, plus il y aura d'hommes qui pourront se connecter. Alors, on peut faire, il y a deux semaines, je disais que physiquement, l'homme a une énergie donneur. Il a un corps donneur. Il donne des spermatozoïdes, il donne des coups de poing. Bon, il a un corps de donneur. La femme, par contre, elle a un corps récepteur, ce qu'on dit souvent féminin ou négatif ou yin. Alors, évidemment, il va recevoir le spermatozoïde, puis elle reçoit les coups. Bon, c'est ça. Sauf certaines exceptions, évidemment. Vitalement, l'homme a une énergie vitale qui est réceptive, donc il a besoin, pour la compléter, d'en voler. Alors, évidemment, c'est un être qui va... L'énergie vitale, elle est exprimée par le cerveau, par la voix et par l'énergie sexuelle. Donc, l'homme va être souvent relié au niveau du sexe, ou de la parole. Parce que souvent, les gros, ceux qui parlent énormément n'ont pas beaucoup de relations sexuelles parce qu'ils compensent entre l'un et l'autre. Par contre, ils doivent parler. Tandis que la femme, elle a de l'énergie vitale qui est donneur. Alors, elle peut évidemment donner la vie, donc cultiver la vie, un fœtus chez elle, et elle n'a pas besoin nécessairement de relations sexuelles au même titre que l'homme, parce qu'elle a d'excédents en énergie vitale. Psychologiquement, l'homme est donneur. Donc, l'homme donne des ordres, l'homme a besoin de se prouver, l'homme a besoin d'être un mâle, l'homme a besoin, bon, etc. Tandis que la femme, psychologiquement, elle est comme physiquement, elle est réceptive. Donc, elle manque de certaines choses, ce qui fait qu'elle aura besoin d'énergie astrale, donc elle aura besoin d'affection, elle aura besoin de sécurité. Ce qui, évidemment, complémentera l'homme et la femme dans leur relation. Il y a des exceptions, évidemment, soit créées par l'éducation, soit créées par des problèmes génétiques, soit créées par différentes choses. Mais on parle collectivement, on parle planétairement, cosmiquement. Mentalement, la femme va être donneur. C'est-à-dire que la femme, elle est capable de créer ce qu'il y a à être inventé. Mais elle n'est pas capable de l'inventer. Il y a des exceptions parce que l'éducation va compenser. Mais on parle encore une fois cosmiquement. Tandis que l'homme n'est pas capable d'inventer l'idée, mais il est capable de le mettre en matière. Alors, ce qui fait que l'homme va inventer les teintures pour les cheveux, l'homme va inventer pour les femmes s'en mettre, l'homme va inventer la mode, les bijoux, ça c'est lui ici qui a inventé ça surtout, le comte de Saint-Germain. L'homme va inventer le décor pour donner une sécurité à la femme, l'homme va inventer le poêle, l'homme va inventer le four micro-ondes, l'homme va inventer la suce pour le bébé, parce que le biberon c'est encore un homme qui l'a inventé. L'astuce que le bébé tète longtemps, là, qu'il y en a qui sont pour, qu'il y en a qui sont contre, sauf le bébé qui est pour. Alors, c'est vrai. C'est à nous de Saint-Germain, en plus. Aucune astuce d'aller voir. Bon, alors, c'est encore un homme qui l'a inventé. À Saint-Germain, québécois. Eh oui, effectivement, oui. Rappelez ça, oui, qui reste près de... Oui, il s'appelle Saint-Germain. Alors, si on regarde ces mécanismes, la femme, elle suscite chez l'homme une nécessité, mais elle ne peut pas l'appliquer. L'homme étant mentalement récepteur, se pousser dans le dos par la femme, l'applique. Pour avoir la paix. Puis pour avoir la femme. Bon. Et la femme, elle s'en contente parce qu'elle a la sécurité, elle a le confort. Comme je disais, à un moment donné, c'est que l'homme se contente facilement d'une maison coup-ci, coup-ça. Tandis que la femme, elle, bien, à un moment donné, il faut qu'elle accroche de quoi là, il faut qu'elle mette quelque chose là, à un moment donné, il faut qu'elle change, il faut qu'elle tapisse. Fait qu'elle oblige l'homme à travailler. L'éducation sociale puis la conscientisation de l'homme fait que de plus en plus, l'homme et la femme tentent à être équilibrés. Donc, un homme peut aussi vouloir décorer. Et si on regarde, la majorité des homosexuels sont des perfectionnistes de la matière. Et d'ailleurs, ce sont les personnes qui vont raffiner l'air du poisson matériel d'une façon extrême. Alors, on a donc des mécanismes qui font qu'à un moment donné, il y a un ajustement entre l'homme et la femme, alors ce qui crée des exceptions. Supramentalement, l'homme, il est récepteur. Pardon, l'homme, il est donneur. La femme, elle est récepteur. L'homme étant donneur, c'est le premier qui va être capable d'émettre l'énergie supramentale, donc l'énergie de l'intelligence active, l'énergie du Saint-Esprit, on pourrait dire, ou de l'Esprit Saint, l'Esprit non coloré. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les apôtres du Nazaréen étaient des hommes, étaient des antennes. L'homme aurait la faculté de pouvoir émettre ces ondes supramentales, et ce que la femme n'aura pas le pouvoir de faire. Tandis que la femme aura le pouvoir d'intégrer ces ondes supramentales que l'homme va émettre. Il y a un émetteur et un récepteur. Exactement. On pourrait même dire mieux, il y a une antenne et un poste de radio. Alors, pourquoi? Parce que lorsque je dis que l'homme sera celui qui sera contacté et que la femme sera celle qui intégrera, selon les disponibilités de compréhension de l'homme et de la femme qui entend, il va dire, ah oui, ça veut dire ça que l'homme, il se plaigne, puis la femme, on est obligé d'attendre après. Puis l'homme va dire, quoi, ça veut dire ça que moi, je me plogue, puis je mets tout ça, puis je peux rien faire avec, c'est la femme qui ramasse tout. Alors, qui est supérieur, qui est inférieur, ça dépend des conceptions éducationnelles des personnes en ce qui concerne le rôle de la femme et le rôle de l'homme. C'est toujours un échange d'énergie dans tous les cas. Un poste de radio sans antenne, c'est-tu bien bon? Mais une antenne sans poste de radio, c'est-tu bien bon? Bon, bien, un homme sans femme, puis une femme sans homme, c'est similaire. Maintenant, est-ce que l'homme... Alors, j'espère que c'est compris au niveau de ce mécanisme énergétique. La femme, elle a instruit l'homme à aimer. Elle a instruit l'homme à avoir de l'esthétique. Tandis que l'homme a instruit la femme à travailler dans la matière. La femme va même le faire mieux que l'homme. Puis l'homme va arriver à aimer plus que la femme. Mais une intelligence, l'homme va aimer plus vite mentalement que la femme. Tandis que la femme va manipuler la matière beaucoup plus intelligemment que l'homme l'a fait. La femme n'ira pas en guerre. L'homme va en guerre. Évidemment, il y a des femmes qui rentrent dans l'armée et qui vont en guerre parce que c'est assujetti à une collectivité. Mais demandons l'opinion de l'homme, demandons l'opinion de la femme. Il y a des femmes maintenant qui sont violentes. Mais collectivement, la femme, si on aurait une armée de femmes, c'est tout ça qu'on aurait dû faire, avoir des armées de femmes. Pourquoi? Parce que lorsque la violence de l'homme ne peut pas s'exprimer dans un conflit international, elle s'exprime automatiquement dans son propre peuple. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir des violences militaires, les régimes militaires, c'est sur le peuple même que ça va s'exprimer. On va avoir des violences policières, on va avoir des violences, on va à la chasse. Beaucoup plus d'hommes qui vont en chasse que la femme. Et la femme, tentant de se libérer, va y aller. Mais est-ce qu'elle apprécie la tuerie autant que l'homme ou si elle apprécie plus la nature? Évidemment, il y a des hommes qui apprécient la nature. Il y a des changements. Mais si on aurait des armées de femmes, et qu'on ne vienne pas me parler des Amazones, qui étaient une race totalement inversée de l'homme, et qui avait des hommes qui allaitaient les enfants, et qui avait des femmes qui allaient à la chasse. Bon, c'est une petite tribu qui est morte, ça leur apprendra. Bon. En ce qui fait que lorsque l'homme... Si on aurait des armées de femmes, la femme ne serait pas du tout... elle ne sentirait pas la nécessité de se battre. Elle pourrait sentir la nécessité de se protéger, mais pas autant que l'homme. Elle ne s'entraînerait pas à se protéger comme l'homme le fait. Il s'entraîne à se battre, mais il appelle ça s'entraîner à se protéger. Et tous les clans humains masculins s'entraînent à se protéger, ils vont se battre. Tandis qu'on aurait des armées féminines, même à l'intérieur des populations, on n'aurait pas de violence. C'est sûr que si on prend une femme policière qui peut être relativement violente, mais c'est normal, on a 15 femmes policières pour 300 hommes policiers. Alors évidemment, elle détient l'énergie psychologique des hommes. Quoique j'ai travaillé si longtemps avec une femme comme ambulancier, et veut, veut pas, ça crée une atmosphère totalement différente que lorsqu'on est deux hommes, même si on est deux hommes pacifiques, humains puis aimants. Parce que la femme, elle peut enseigner ça à l'homme. Supplémentalement, l'homme va être l'antenne, la femme va être la radio. Plus il y aura d'antennes sur la planète, plus il y aura de radios qui pourront commencer à jouer. Est-ce que cela nécessite obligatoirement le fait que la femme doit être en relation avec un homme, en couple? Ou si, à un moment donné, la femme, même si elle ne connaît pas d'homme, peut arriver à jouer à la radio? Eh bien, les deux mécanismes se peuvent. Pourquoi? Parce que la femme, elle a absolument besoin de l'homme, et l'homme a absolument besoin de la femme. Je pense qu'on le sait de toute façon. Mais ce qui arrive, c'est qu'au niveau de l'énergie supramentale, de l'énergie intelligente, ce qui va arriver, c'est que même si la femme ne connaît pas d'homme, étant donné qu'il y a des hommes sur le plan planétaire, ceux-ci veulent pas servir d'antenne. Et ce n'est pas nécessaire que la femme touche à l'homme, que la femme parle à l'homme pour bénéficier, pour recevoir l'énergie émise par l'homme. Donc, par l'homme en tant qu'être humain, tant qu'il y aura des hommes sur la planète, il y aura des femmes qui pourront recevoir. Par contre, dans l'ère du Verseau, parler chronologiquement, au niveau de l'homme nouveau, et c'est pourquoi que je vais revenir du Pérou avec ce mécanisme du couple nouveau, et suite à cela, la relation entre l'homme nouveau et l'enfant nouveau, et suite à cela, la relation entre la femme nouvelle et l'enfant nouveau, parce qu'on parle aussi de famille. Il y aura une importance capitale qui sera donnée au couple. Et on n'aura pas le choix. Maintenant, je ne parle pas d'un couple qui est déjà constitué, qui pense se divorcer, puis là, ils se disent « Ah oui, bon, il faut rester capital, il faut qu'on revienne ensemble. » La question n'est pas là. Je parle qu'à un moment donné, il y aura des hommes qui seront intelligents, il y aura des femmes qui seront intelligentes, qui pourront se contacter autrement que par la relation sexuelle, par la beauté physique, qui pourront se découvrir de plus en plus beaux au fur et à mesure qu'ils se connaîtront. Ce qui est déjà commencé. Parce qu'il y a des personnes ici, sans doute, qui ont déjà rencontré des personnes, ils les trouvaient laids physiquement. Et au fur et à mesure qu'ils les connaissaient, ils les trouvaient de plus en plus beaux. Parce qu'à un moment donné, on est capable de voir, non pas seulement la vibration physique, mais on est capable de percevoir aussi la vibration corporelle du plan psychologique et du plan mental, ce qui fait que ça transpose. C'est comme si on avait 3-4 photos une par-dessus l'autre, et la beauté, donc l'énergie harmonieuse qui s'établit entre les deux personnes, finit par s'améliorer. La dimension intérieure. Là. Exactement. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, on n'aura plus cet amour bâtard psychologique qui fait que j'aime pas le nez, puis j'aime pas la face, puis je l'aime pas, puis j'aime pas la manière qu'il s'habille, puis j'aime pas ses culottes, puis j'aime pas la façon qu'il pète. Bon. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, on va être capable de rencontrer l'homme et de l'aimer pour ce qu'il est, vibratoirement. Et évidemment, l'importance de la psychologie de la femme dans l'ère nouvelle va être une personne qui va... Peut-être si on fait un petit peu un avance sur le couple, parce que c'est important. La femme va jouer un rôle formidable au niveau du couple, mais l'homme aussi, parce qu'il n'y aura pas de partage des tâches. Présentement, l'homme essaie de partager la tâche de la femme et la femme essaie de partager la tâche du mari. Mais ce qui devrait être fait, c'est que l'homme doit s'ajuster dans ce qu'il doit faire ou dans ce qu'il peut faire pour être dans sa propre énergie créatrice, et la femme doit faire de même. Tandis que s'il y a un enfant, l'enfant doit faire de même. Et souvent, on exclut l'enfant du cadre familial, c'est-à-dire que l'enfant, lui, on est deux à s'en occuper ou on est un à s'en occuper, puis lui, ben lui, il s'occupe pas de lui. C'est ça. On essaie de faire un modèle standard, que ce soit pour l'homme ou la femme ou l'enfant. Là, d'après nos concepts, on voudrait un modèle standard, que tout le monde puisse s'épouser. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'homme et la femme ne feront pas, par exemple, bon, le lavage tous les semaines, chacun leur tour, des choses comme ça. Présentement, dans le contexte de l'homme ancien, cela peut amener à certaines harmonies qui ne durent pas nécessairement, mais qui peuvent durer. Mais à un moment donné, que l'homme va faire les choses qui sont intelligentes. Alors, il ne se sentira pas obligé de faire des choses pour plaire à la femme, et la femme ne se sentira pas non plus obligée de faire des choses pour plaire à l'homme. Et lorsque la femme va être capable de faire des choses qui lui plaisent à elle, et lorsque l'homme va être capable de faire des choses qui lui plaisent à lui, et que cet homme et cette femme pourront vivre ensemble, malgré qu'ils feront chacun pour eux ce qu'ils ont à faire, ce sera un couple qui sera inséparable. Sauf que ce qui va arriver dans l'homme ancien, c'est que la femme fait pour l'autre, et l'homme fait pour elle. Et se conscientisant, ils finissent par être de plus en plus dans leurs énergies, donc ont une tendance commune à faire de plus en plus pour eux. C'est tout à fait normal. Et à un moment donné, évidemment, l'éducation fait que la femme a fait plus ce que je veux, puis moi, je fais plus non plus ce qu'elle veut parce qu'elle me fait pas ce que je veux. Puis c'est qui fait les premiers pas? Ben, c'est de toute façon, celui qui fait les premiers pas, normalement, c'est celui qui demande le divorce. Il se rapproche pas. Tandis que si toi, tu fais tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux, et que moi, je suis une femme, je fais tout ce que j'aime, tout ce que je veux, il y a de fortes probabilités pour qu'à un moment donné, d'ailleurs, c'est ce qui va arriver, pour qu'on ait deux êtres humains, par exemple, toi et moi, si toi, tu es un homme, moi, je suis une femme, j'aime mieux, moi, je suis un homme, toi, tu es une femme. Bon. Je pense qu'on est les deux. Ce qui arrive, c'est que moi, je décide que je fais telle chose. Et toi, jamais tu ne te sens assez petit à me faire plaisir ou à ce que je te fasse plaisir. Alors, moi, j'adore la campagne, toi, tu adores la campagne. Est-ce que c'est une raison de s'unir? Non. Mais à un moment donné, c'est que vibratoirement, le couple va se former pour la simple raison que continuellement, tout ce que tu perçois énergétiquement, je le perçois. Alors, tu n'as pas besoin de me communiquer par la parole ou par la force ce que tu perçois. Il neige. Et moi, je n'ai pas besoin non plus de te communiquer par la force que je perçois ou par la parole. Alors, je n'ai pas besoin de te convaincre de faire telle chose. Je n'ai pas besoin de t'expliquer l'intelligence de faire quelque chose. Je n'ai pas besoin de te faire évoluer pour te faire rentrer dans ma sec ou dans ma gang. Je n'ai pas besoin de te faire évoluer pour te faire sortir de la tienne. Je n'ai pas besoin de t'expliquer que ce que tu viens de faire avec l'enfer, c'était pas bon. Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Parce que ce que je perçois, tu le perçois. Pourquoi? Parce qu'énergétiquement, étant de même longueur d'onde, nous allons être connectés au même plan. Étant connectés au même plan et de même longueur d'onde, nous allons colorer de la même façon. Nous allons donc exprimer de la même façon, ce qui fait qu'on va toujours être d'accord. Ça va donc vers des alliances vibratoires. Au lieu d'être vers des alliances morales. Le Daniel Kemp, on te remercie. Ça a-tu passé vite, hein? Une heure, ça passe vite. Alors, je vous rappelle le spécial à l'achat du billet pour la prochaine conférence de Daniel qui aura lieu donc le 6 décembre prochain sur le couple nouveau. Vous pouvez avoir gratuitement la première partie de cette conférence. On fait une pause d'une demi-heure maintenant et on revient ensuite en compagnie de Daniel avec la période de questions. Alors là, on vous engage à préparer vos questions. Là, allez-y de vos questions très personnelles là, concernant votre vie de couple ou vos problèmes personnels. Petit papier dans la salle d'accueil et puis vous venez nous les remettre en avant. Ici, on posera ces questions-là. Le PMC, c'est quand? Le PMC, c'est samedi et dimanche prochain. Alors là, si vous voulez avoir de l'information sur le séminaire intensif, le PMC que donne ici Daniel Kemp, demandez donc à Mario Gosselin, notre relationniste, là, qui se trouve au bout du kiosque, de vous donner cette information-là. Il y a encore une annonce ici. La lumière intérieure d'une Pontiac est allumée. Le numéro d'immatriculation CDX 134, une voiture rouge.